Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'est bien connu, même les paranoïaques ont des ennemis. Mais on doit bien admettre que la paranoïa n'aide pas à distinguer, noyée parmi les imaginaires, les véritables ennemis. En matière d'espionnage, et plus particulièrement de contre-espionnage, qui ne vont jamais sans une certaine dose de parano, cela peut être fâcheux, voire franchement catastrophique. L'exemple de James Angleton, qui fut de 1954 à 1974 à la tête du contre-espionnage au sein de la CIA, en est une bonne illustration. Traumatisé peut-être d'avoir été formé au métier par une énorme taupe, Kim Philby, il finit par voir des agents doubles partout, générant ainsi un climat épouvantable dans les services américains. Ses obsessions l'auront même conduit à voir en Joseph McCarthy et Henry Kissinger de possibles agents soviétiques. Angleton, les transfuges de l'Est, les délires et les théories fumeuses qui, en pleine guerre froide, semèrent le trouble et la zizanie à l'Ouest, on les découvre dans le 8e des 10 épisodes des histoires de l'espionnage soviétique que proposait Alexandre Adler sur France Culture en l'an 2000. Histoire d'espionnage soviétique par Alexandre Adler. Transfuges et mystères. Une fois n'est pas coutume, c'est le cinéma qui a immortalisé l'histoire que nous allons vous raconter. C'est Alfred Hitchcock, dans Le Rideau déchiré, qui, dans une scène de suspense digne de ses meilleurs films, nous raconte la fuite d'un personnage qu'il présente comme un professeur soviétique avec sa femme et leur arrivée haletante à un consulat des États-Unis. Seule la ville a changé, il s'agit de Vienne pour Hitchcock, il s'agissait d'Helsinki en réalité. Dans la véritable histoire, celle du chiffreur Arkady Golitsyn, lequel, effectivement, par sa défection, va entraîner les tourbillons les plus graves de toute l'histoire du service secret soviétique. Qui est Golitsyn ? C'est un russe de la campagne, disposant d'un niveau d'éducation assez faible, d'une famille traditionnaliste, il a des popes dans sa famille, et par ailleurs d'une mémoire quasi photographique, mémoire exceptionnelle qui lui a permis, dès le service militaire, de passer tous les tests de transmission et d'entrer ensuite au service du chiffre qui dépend lui-même du KGB. Alors, ce Golitsyn, par conséquent, a travaillé d'abord à la centrale du KGB, puis ensuite il sera posté en Finlande, à chiffrer et déchiffrer la plupart des documents du service de renseignement, dont les plus confidentiels. Manque de chance pour le service soviétique, Golitsyn non seulement a une mémoire photographique exceptionnelle, il suffit de lire une page pour s'en souvenir pendant des années, il se souvient des noms, mais en outre, il a mauvais esprit. C'est un personnage un peu querelleur, mal aimé de ses chefs. Sans doute avait-il espéré une promotion plus grande. Mais comme il n'est pas très intelligent, on lui a donné comme potentiel essentiellement le déchiffrement des textes et son rechiffrage, point à la ligne. C'est un très bon technicien, il se juge mal perçu et il finit par décider de passer en Occident. Et évidemment, c'est une très grande malchance, car aussitôt arrivé à Washington et son débriefing ayant commencé dans les locaux de la CIA, les Américains se rendent compte que l'homme est absolument exceptionnel et les premières indications qu'il donne sont toutes d'une exactitude absolument formidable. Évidemment, le problème de Golitsyn est d'abord un problème psychologique. Grand buveur, mégalomane, il est évidemment comblé par l'attention que lui vouent les plus hauts personnages de la CIA lors de son arrivée. Et au fur et à mesure du temps, il se rendra compte que, évidemment, le grand moment de reconnaissance qui lui avait été si chichement accordé en Russie n'est que provisoire aux États-Unis. Lorsque le pays aura été entièrement trait et que tout le lait sera sorti, eh bien, le pauvre Golitsyn passera dans une seconde existence avec une nouvelle identité, un nouveau visage, dans une petite villa d'une banlieue plus ou moins coquette de Washington. Il sera reçu par un officier traitant à peu près tous les 15 jours, et puis de moins en moins, en réalité, Golitsyn aura donné tout ce qu'il a à dire. Et c'est la raison pour laquelle ce personnage matois, une fois qu'il dit tout ce qu'il sait, va en outre inventer, et de plus en plus, tant il a besoin de rester au centre des affaires. Et une partie de ces inventions vont être particulièrement catastrophiques pour le service d'espionnage américain. S'il identifie correctement une série d'espions, notamment en France, le haut fonctionnaire Georges Pack sera arrêté par la DST sur ses indications. Il va évidemment un peu plus loin en prétendant que l'entourage du général de Gaulle est truffé d'espions soviétiques. Et puis au fur et à mesure qu'il se heurte aux dénégations des services secrets qui sont parfois influencés par la diplomatie, voit les choses de manière de plus en plus nuancée, eh bien il s'irrite et il invente des théories globales. L'une d'entre elles, par exemple, achèvera de le discréditer en 1966. C'est la théorie selon laquelle Chinois et Soviétiques, loin de se disputer, comme on le voit de façon ouverte, sont en réalité d'accord pour maintenir leur alliance et que derrière la façade des polémiques et des injures, il y a une collaboration sino-soviétique très forte pour continuer à lutter contre l'impérialisme américain. Il est évident que la suite des événements n'a pas donné raison à l'analyse de Golitsyn et que cette déclaration de Golitsyn est souvent invoquée pour montrer son caractère de mythomane. En réalité, les choses sont plus complexes. Golitsyn lisait beaucoup de choses, mais il n'avait pas toujours la culture politique pour l'interpréter correctement. Et ce que Golitsyn avait en fait lu et lu correctement, c'est les tentatives de son chef, Boris Chelepin, devenu patron du KGB en 1961, à l'époque de Khrushchev, mais qui jouera un rôle décisif dans le renversement de Khrushchev, les efforts de Chelepin, donc, pour se réconcilier avec la Chine. Chelepin fera même un voyage secret à Pékin, dont les Occidentaux n'avaient pas idée à l'époque, dans le but de reprendre langue avec ses interlocuteurs chinois, leur promettant la reprise de l'aide économique, et surtout la réhabilitation de Staline, qui aurait dû venir comme un signal envoyé à Pékin. Cette réhabilitation n'interviendra pas, mais de justesse, à la suite des pressions d'une partie de l'entourage de Brejnev, et notamment de Yuri Andropov, qui mettra à ce moment-là le premier véritable échec, le premier véritable barrage à la montée de Chelepin dans l'appareil soviétique. Cela, on ne le saura que beaucoup plus tard, et donc c'est sans doute à cet épisode que Golitsyn faisait allusion, mais il était rigoureusement incapable de comprendre, bien entendu, que ces chefs se disputaient pour des raisons idéologiques et politiques, et encore moins l'enjeu de ces négociations avec la Chine. Il n'était qu'un chiffreur, mais comme chiffreur, il était hors de pair. C'est donc le mélange d'informations exactes et d'extrapolations dangereuses qui va constituer un cocktail explosif pour les Américains. Golitsyn, qui est un paranoïaque, a ainsi interprété une grande conférence qui avait présidé chez Lépine en 62 sur la réorganisation du travail du KGB comme le signal d'une offensive généralisée de désinformation en Occident. La popularité de la thèse de la désinformation vient des premières révélations de Golitsyn. Et puis là-dessus intervient un épisode qui va prendre un tour tout à fait dramatique dans cette affaire. C'est l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy à Dallas en novembre 1963. Golitsyn, qui est très écouté par le directeur du contre-espionnage américain, James Jesus Angleton, déclare peu après que les soviétiques ont probablement joué un rôle dans cet attentat et qu'il va arriver dans pas longtemps un défecteur qui va expliquer que les soviétiques ne sont pour rien dans l'attentat. La première assertion est évidemment intenable. Plus le temps passe et plus il est clair que l'assassinat du président Kennedy n'est en rien le fait des services soviétiques. Cela fait partie des déclarations à l'emporte-pièce de Golitsyn. La seconde, en revanche, a été rigoureusement validée par les faits. Ou plutôt, quelque chose qui y ressemblait fort s'est produit. En effet, 3 mois après la mort de Kennedy, défection d'un responsable relativement important du KGB, Viktor Nosienko, fils d'un amiral de la flotte soviétique et lui-même ancien officier du renseignement naval, passé au KGB, et qui arrive aux États-Unis et qui commence à raconter effectivement qu'il avait été au courant, qu'il avait vu les premières réactions du KGB à la mort de Kennedy et qu'il pouvait garantir que l'Union soviétique n'était pour rien dans la mort de Kennedy. Par ailleurs, Nosienko donne un certain nombre d'informations, mais pas d'un caractère transcendant à la CIA. Et donc tout se passe comme si il était bien effectivement le faux défecteur annoncé par Golitsyn et qui entre dans les habitudes soviétiques. Angleton, par conséquent, décide de faire parler Nosienko pour de bon, pour savoir où on en est, et il commence à le secouer sérieusement jusqu'à le torturer à la manière CIA, c'est-à-dire de manière qui n'est pas extrêmement violente, mais qui consiste à priver de sommeil, puis d'alimentation pendant des jours et des jours, ce malheureux qui ne se voyait pas reçu de cette manière-là dans le sein des saints du pays de la liberté. En réalité, après 2 ans de traitement de ce genre, la CIA se convainc qu'elle a fait fausse route. Angleton est de plus en plus discrédité, car poussé par Golitsyn, lui-même a commencé à développer des instincts paranoïaques de plus en plus violents. Et à la fin des fins, Nosienko sera non seulement réhabilité, mais comme il faut s'excuser, recevra des indemnités de la CIA pour les mauvais traitements qu'il a subis, puis sera installé comme consultant de la CIA dans la banlieue de Washington et présenté partout par les adversaires d'Angleton comme un véritable et authentique défecteur ayant rendu de grands services à la cause de l'espionnage américain. La vérité est évidemment entre les deux. Angleton est en effet devenu fou. Dans cette période, et sous l'influence de Golitsyn qui voyait des agents doubles partout, il a entraîné des chasses aux taupes qui ont pris des proportions de plus en plus grandes aux États-Unis et dont 99% étaient mal fondées. À la fin des fins, sa suspicion a été telle que les Américains ont arrêté pratiquement de recruter des officiers ou d'envoyer des espions à l'étranger, alors que Angleton était désormais persuadé qu'ils étaient tous plus ou moins devenu des agents retournés par les soviétiques, et il a bien fallu, à un moment donné, purger Angleton et l'envoyer à la retraite. On a expliqué l'évolution du comportement d'Angleton par le fait que, dans les années 50, il était à Washington un des meilleurs amis de Kim Philby. Philby raconte dans ses mémoires, My Silent War, qu'il s'était amusé un jour à donner une enveloppe fermée à Angleton, peu avant la crise, en lui disant de bien la poster pour Londres, et que, évidemment, celui-ci se demandait s'il devait ou non ouvrir l'enveloppe. Philby s'est effectivement beaucoup amusé avec Angleton, et le souvenir sans doute de sa négligence envers Philby a provoqué chez Angleton des accès de paranoïa violents. Mais le résultat vis-à-vis de Nosienko a été catastrophique, car Angleton a donc à ce moment-là engagé une chasse aux taupes qui a quasiment interdit les opérations offensives de l'espionnage américain. vers l'Union soviétique pendant plusieurs années. Reste à savoir si Nosienko, donc, était ou non une bonne taupe. En réalité, il est vraisemblable que Nosienko fait partie de ce genre de défecteurs qui arrivent de temps à autre et que les soviétiques affectionnent. Ce sont les vrais faux défecteurs. Qu'est-ce qu'un vrai faux défecteur? C'est quelqu'un qui a commis une grosse boulette. Quelqu'un, donc, qui devrait, à un moment ou à un autre, être chassé du service. Et à qui on propose une seconde chance. Fire and forget, comme on dit en anglais, de tir et on t'oublie. C'est-à-dire passer à l'Occident, donner à ce moment-là aux services occidentaux un certain nombre d'informations, le plus souvent complètement anodines, et puis, sur la base de ces informations, se faire une seconde vie, se faire oublier. Un second cas de ce genre sera le chef du contre-espionnage soviétique en Amérique du Nord, Yurchenko, dont la défection, on s'en rend compte maintenant, avait pour but de mettre sur des fausses pistes les Américains à une époque où l'espion Aldrich Ames, cet officier de la CIA complètement corrompu, avait déjà donné un grand nombre d'indications au KGB qui lui avait permis de procéder à des arrestations de l'Union soviétique. Il fallait par conséquent qu'il donne d'autres noms d'espions de la CIA retournés pour écarter les soupçons qui ne manquerait pas à un moment ou à un autre d'aboutir sur Ames, et son opération sera réussie à une date aussi tardive que l'an de grâce 1987, 2 ans avant la chute du mur de Berlin. Dans le cas Nosienko, c'est la même chose. Les soviétiques ont absolument besoin de dire aux États-Unis qu'ils ne sont pour rien dans l'assassinat de Kennedy. Or, Oswald a effectivement vécu plusieurs années à Minsk, et sa femme est la fille d'un officier du ministère de l'Intérieur. Donc, ils ont demandé à Nosienko de raconter une histoire qui rassure les Américains. Nosienko a mal raconté son histoire. Nosienko, en plus, n'avait pas grand-chose à offrir. Mais Nosienko n'était pas véritablement un agent du KGB en mission. C'était une nullité alcoolique dont on s'était débarrassé comme cela, dans le but d'intoxiquer gentiment les Américains. Mais pas davantage. Et évidemment, Angleton l'avait identifié correctement, encore une fois grâce à Golitsyn, mais en avait tiré un certain nombre de théories particulièrement dangereuses. Angleton les confiera à un journaliste ami, Jay Epstein, qui les a depuis publiées. Pour lui, l'assassinat de Kennedy est dû à une fraction dure du KGB qui a opéré à l'insu de Khrushchev et sur la demande de Fidel Castro, et ainsi pour compromettre les relations soviéto-américaines. Je pense que, comme souvent chez les paranoïaques, la théorie d'Angleton est juste à 98%. Il suffit de remplacer KGB par CIA. Il est en effet très vraisemblable que Kennedy a été assassiné par une fraction dure de la CIA qui agissait ainsi contre, évidemment, le directeur de la CIA et les autorités de l'État américain, et que Angleton l'a vaguement compris s'il ne l'a pas su. Mais en tout cas, cette théorie-là est une théorie dangereuse, délirante, et qui a eu des conséquences de toute nature. Les deux plus graves, c'est premièrement des conséquences sur les relations franco-américaines. Proche d'Angleton, l'officier de liaison du SDEC, la DGSE de l'époque, Thibault de Vaugely, est devenu convaincu que le général de Gaulle et son entourage étaient un nid d'espions soviétiques. On a fait remonter à Jean Moulin, c'est l'origine de cette théorie, l'imprégnation de l'entourage du général de Gaulle par des espions soviétiques, alors qu'au contraire, les déchiffrements Venona nous montrent que les soviétiques n'ont pas cessé de jouer contre le général de Gaulle depuis 1941 à Londres. Et ceci a évidemment aggravé les rapports de Gaulle et de Washington et l'agacement du général. Ce n'est pas pour peu de choses dans la fermeture des bases américaines de 1966 et le fait que la France ait quitté l'organisation intégrée de l'OTAN. L'autre conséquence, ça a été la poursuite de cette chasse à la taupe obsessionnelle en Angleterre, poursuite qui s'est concentrée sur un des mystères restés ouverts dans l'affaire Filby. Pourquoi Blunt et Cairncross, qui étaient au MI5, le service de sécurité, l'ont quitté, alors qu'ils étaient des agents considérables à l'intérieur de celui-ci. C'est donc qu'il y avait tout un réseau d'espions soviétiques dans le MI5, qu'à la différence des espions de Cambridge, on n'a jamais découvert. Et ceci entraînera de la part d'un des chefs du MI5, Peter Wright, l'idée que ces chefs directs ont, selon toute vraisemblance, été des taupes soviétiques. Or, cette obsession qui dura pendant plusieurs années et conduira Peter Wright à écrire un livre en Australie que Madame Thatcher voudra voir banni de l'Angleterre, Spycatcher, est en fait fondée sur des approximations ou des raisonnements absurdes. Roger Hollis, le principal personnage soupçonné, n'a évidemment jamais été la taupe soviétique que l'on imagine, et depuis que des défecteurs importants sont venus d'Union soviétique en Angleterre, on peut être entièrement rassuré sur ce point. La chasse à la taupe, organisée par le couple infernal Golitsyn-Angleton, n'avait pas cessé de faire des dommages idéologiques et politiques extrêmement graves, et c'est ici, évidemment, que l'on voit comment la guerre froide, avec la prédominance de ces raisonnements issus des officines que sont aussi les services secrets, peut conduire à un moment ou à un autre à de véritables tumeurs cancéreuses qui affectent les décisions les plus sérieuses d'États normalement prévenus contre ce genre de raisonnement paranoïaque. De cette affaire, nous avons des retombées françaises, puisque, à la fin des années 80, l'historien et journaliste Thierry Volton, qui avait été un peu le confident de l'ancien patron de la DST, le commissaire Marcel Chalais, dans un livre retentissant, prétendait établir le fait que Jean Moulin avait été, dès son arrivée à Londres et dans son action aux côtés du général de Gaulle, un agent soviétique appartenant, comme son patron politique, Pierre Cotte, à un réseau constitué dès les années 30. C'est Peter Wright le premier qui avait affirmé que Pierre Cotte était un agent soviétique, ceci à partir des décryptages Venona dont il avait eu partiellement connaissance. Les décryptages depuis publiés montrent, et c'est important de le souligner ici, en réalité l'innocence de Pierre Cotte. Qui était Pierre Cotte ? Radical comme nous l'avons vu, proche de tous les caciques de la Troisième République, Pierre Cotte, en 1940, quitte la France avec un sauf-conduit et se rend directement à Londres pour se mettre au service du général de Gaulle, lequel de Gaulle les conduit en raison de sa grande impopularité dans les milieux militaires de l'époque. Il n'a pas besoin, vu l'image que la France libre cherche à avoir auprès de la France occupée, et notamment des militaires, de charger la barque avec un homme comme Pierre Cotte. Celui-ci en est profondément affecté, il se rend aux États-Unis, et c'est là pour la première fois qu'il entre en contact, non pas avec les services soviétiques, mais avec Earl Browder, le tout à fait légal et connu secrétaire général du Parti communiste américain, et il lui fait part, dans le désarroi qui est le sien, de sa volonté d'adhérer au mouvement communiste. Telle démarche, évidemment, n'a rigoureusement rien à voir avec celle d'un agent. Au reste, Browder câblera non pas au service secret soviétique, mais à son patron Dimitrov, le secrétaire de l'International communiste, du désir de Pierre Cotte d'adhérer au Parti communiste. Pour la suite, tous les autres documents décryptés montrent que, l'ambassade soviétique restait en contact, c'est-à-dire avait des nouvelles de Pierre Cotte à travers Earl Browder, c'est-à-dire des contacts qui n'avaient ni de clandestin, ni de conspiratif. Pierre Cotte n'avait rien d'un espion, c'était un homme politique. Il voulait faire du conseil à Staline. Le seul document important qui ait été déchiffré est une longue lettre où Pierre Cotte veut donner des conseils à Staline pour l'après-guerre en France et où il apparaît évidemment beaucoup plus comme un homme politique. On peut juger de la prudence ou du bien fondé d'une telle démarche, mais certainement pas l'assimiler à de l'espionnage. Et que fait Pierre Cotte en arrivant en France en 1944 ? Il se met au service du Parti communiste. Et il est resté jusqu'alors. Alors que ce personnage brillant et disert, populaire dans le parti radical et dans toute la gauche, aurait camouflé ses nouvelles sympathies communistes et aurait fait une carrière extrêmement brillante sous la 4e République, où là, il aurait pu infliger des dommages très importants à l'État français. C'est très exactement ce qu'il n'a jamais fait. Pierre Cotte a accepté une vie d'isolement, de sympathisant communiste, il a reçu le prix Lénine de la paix, il a été élu député toujours avec le soutien du Parti communiste, Il était en réalité un adhérent de ce parti communiste, puisque l'Union progressiste n'a jamais été qu'un paravent. Mais ceci n'en fait pas, loin s'en faut, un agent des services soviétiques. Un sympathisant de la cause soviétique, oui, mais on ne doit pas qualifier de sous-marin ce qui a toujours été un bateau de surface. Et je crois que l'honneur de Pierre Cotte vaut bien que l'on fasse ce rectificatif, qui ne vaut pas pour le seul Pierre Cotte, mais a fortiori pour Jean Moulin. Non seulement la thèse de Volton est apparue comme controuvée, mais un certain nombre d'éléments qu'il apporte, soi-disant à l'appui de cette thèse, et qui viennent des convictions du groupe Angleton et de ses amis anglais, vont exactement dans l'autre sens. C'est bien parce que Pierre Cotte n'était pas un espion, ni Jean Moulin non plus, que le cabinet de Pierre Cotte était truffé d'espions, mais ceux-là, on les connaît, on les a identifiés. C'était Histoire d'espionnage soviétique par Alexandre Adler. Équipe de réalisation, Jean-Claude Gauthier, Serge Ristich, Julie Garraud, Brigitte Bouvier. Le huitième volet de la série des 10 histoires d'espionnage soviétique a été diffusé pour la première fois le 30 août 2000 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr. One dream come true, you won't.